Quelle ouverture! Ah, oh, mon Dieu! Hey, ça, on l'a vu, le Elvis, là, dans notre tête. Ben là, ça dépend, là, comment tu peux comprendre et visualiser ton Elvis. Moi, ça me semblait un peu un fantôme diaboliquement décomposé dans une sorte d'imitation un peu floue d'Elvis Presley. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Of a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, come back, baby, come back, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Now, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And now, baby, come back, baby, come back, baby, come. Come back and maybe I wanna play house with you. All in the house, baby. Now this is one thing, baby, that I want you to know. Come on back and let's play the little house so we can act like we did before. But so baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Hit it! Yeah! Hey, listen to me, baby. Try to understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And I'd love it, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Skelada. On met en lumière une photographe. Une photographe? Ben oui, une photographe. Normalement, là, lorsque tu prends des clichés... Ah, ben là, la société est remplie de clichés, hein. Tucu Baudouin, hier, il voulait prendre sa belle femme Martha. Oh, oh, oh, pas la belle. Ah, oh, la belle Martha. Oh, c'est un trésor, hein. Oh, ben, il aurait dû jamais la trouver. Pardon? Ben, pour un trésor aussi exceptionnel, il n'aurait jamais dû la trouver. Il n'aurait jamais dû la trouver? Ah, ben non, oui, tu suis ça, là, à chaque fois que tu ouvres la porte, bah! C'est plus un trésor, ça, là, c'est un cauchemar. Oh! OK. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça, un cliché, donc, il voulait hier prendre des clichés de son, de sa douce... Douce aimée, là, pendant que tout est monté, hein, rien n'est encore à la descente. Mais un jour, il veut prendre, à chaque moment important de sa vie de couple,

Ah ouais. Evie Trash et beaucoup d'autres qui seront bien contrariés de ne pas se voir cités ici. Ce soir, à Errance Renadienne, elle vient flasher pour nous dans l'intimité et les confidences qui font les grands artistes. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous envoûter? Oui. Alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme renadien. Bref, place à l'envoûtement et j'ai dit, mais oui! Oui, tu commences avec l'affirmation que ton émission ira bien et pourra s'envoler dans des univers des plus sidérales! Mais moi, je suis sidéré, mon cher Jean-Marc, que sidéral ne s'est même pas invité ce soir. Non, mais il veut jamais, lui. Comment ça? Il est toujours parti en l'air! Oh, bon, il fait penser à ma dernière femme. Elle était toujours partie en l'air. L'ignorant! Brrr. Ben voyons, moi, j'ai pas la mancheuse de chair, moi, là. J'ai la mancheuse, oui. La mangeuse de chair, moi, j'ai la couenne dure. Ah, oui. J'ai toujours eu la couenne dure. Non, mais j'ai la rage. La rage de vivre. Ah, non. Moi, James Dean, là, premièrement, j'ai le profil James Dean, là. Les gens qui me regardent, là, qui me disent, « Hey, t'es pas la réincarnation de l'oncle! » De l'oncle Georges? Non, pas de l'oncle, mais de l'oncle. De qui? Ah, d'accord. Hey, l'ignorant! Ça commence mal, les gens comprennent déjà rien. Déjà, c'est déjà un flot et un flux de brouillard. Mais bon, moi, c'est quelque chose. Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'assez étrange. Venu d'ailleurs. L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Ça vient de... Ben, ça vient de ma bouche, là. Oui, mais à part de votre bouche, qui a écrit ces lignes? Oh, bon, un toxicomane? Non, ouais. Non, mais c'est sans doute un artiste québécois? Oh, non. Français? Oh. Anglais? Oh. Bon, OK. Alors, attends, est-ce que vous pouvez répéter? L'ignorant affirme, alors affirmez le reste, oui. Oui, je doute. Alors, le savant doute. Oh, vous êtes un savant. Oh, pote, mais un et un font deux. C'est des calculs savants. Oh, ouais, je suis très savant. Et le sage réfléchit. Ouais, là, je tiens à dire à la population, aux gens qui écoutent CKRL et les autres qui sont tombés sur cette radio-là maintenant. Ah, disait, qu'est-ce que c'est ça? Ils laissent les ondes à des individus semblables. Aux allures loufoques! Oui, mais nous sommes à la radio, alors l'allure loufoque... Ah, oh, mais on s'imagine, hein? On s'imagine le fuck dans cette allure loufoque! Oui. Méchant fuck. Ah ouais, fuck en Alaska, mon laissement. Hey, non, mais... J'avais voulu inviter, ben je voulais inviter des sages à mon émission, mais ça parle pas fort un sage. Qu'est-ce que ça fait un sage? Ben c'est rempli, oh, c'est rempli à rabord, bon, ça a de la misère à marcher, ça titube, oh, oui, hey, c'est rempli de sagesse. Donc ça parle pas, ça divulgue rien, ça ne dit pas. Et ce qu'on veut entendre d'un sage, le sage est là. Là, tu vas rencontrer, là, je sais pas, tu montes en Inde. Oh, pour manger du blé d'Inde. Pour manger, oui, entre autres, mais le blé d'Inde n'est pas meilleur en Inde, hein? Le cochon d'Inde, lui. Le cochon d'Inde, c'est une méchante tête de... Oui, une méchante tête d'Inde. Mais non, mais si tu amènes juste des sages dans une soirée, dans une émission de radio, sur un plateau de télé, si, par exemple, ça dure 30 minutes, ça sera 30 minutes de souffrance pour le spectateur ou l'auditeur. Ça n'a pas de bon sens parce que c'est pas des individus qui parlent, c'est des gens qui regardent, qui observent et qu'ils se remémorent leur passé, leur savoir avant de divulguer une phrase. Par exemple, tu demandes à un savant, ça va bien. Alors, monsieur, vous êtes... Monsieur, vous êtes... Bon, admettons, vous êtes un savant. Oui, je sais, vous réfléchissez actuellement, là. Vous êtes un monsieur. Ça, l'émission va être longue avec des savants, là. Alors, vous réfléchissez. Mais si je vous demande, est-ce que ça va bien, moi? Bon, alors on peut comprendre que ça doit passablement bien se passer dans son cerveau, sauf que c'est une stagnation des plus douloureuses pour l'auditeur ou, comme je vous disais, le téléspectateur. Alors donc, l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit, mais Jacques Brel disait, je préfère me tromper, attends un peu, comment je l'avais balancé à M. Poirier tout à l'heure, je préfère me tromper que de me taire. C'est quand même intéressant, là. Allez voir sur mon site, je vais vous le... Je préfère me tromper que de me taire, ou c'est quelque chose de similaire à ça. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques... Comment j'ai dit ça? Peut-être. Si Monsieur Poirier, vous m'écoutez, là, dites donc ma citation que je vous ai balancée sur votre Facebook, merci. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Pourquoi tu cries? Ben, je crie parce que je dois crier, moi, je suis un colporteur, moi. Je suis pas un sage, moi, je suis un innocent! Oh, ben, il en faut dans notre société des innocents. Premièrement, on remarque beaucoup plus l'imbécile que l'homme intellectuel, l'homme ravagé par le savoir, l'homme qui cherche à comprendre pourquoi les gens sont ainsi, pourquoi la société roule comme ça, et l'économie, comment les dollars arrivent dans nos poches. Ouais. Ben, mais là, l'économie, là. Ben oui, même du côté politique. Pourquoi? Jean Charest est ici, pourquoi? Ben Harper Extra Fromage est ici, pourquoi? Petit Nicolas Sarkozy est ici, pourquoi? Carla, elle, est au soleil, elle brunit. On sait pas, c'est pourquoi elle brunit? Ben, parce qu'elle ne blanchit pas. Moi, au soleil, je rougis. C'est pour ça que moi, Carla Bruni et Rénal Gagné, ça peut pas faire une union. Puis comme disait Yvon Deschamps, les unions, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des beaux enfants. Moi, mais pas moi. Moi, là, regarde-moi la face. Là, regarde-moi, 30 secondes. Là, arrête, Mme Tremblay. Enlevez. Elle a une chevelure, elle, là, on dirait les années 70, là, hein? Enlevez-vous du chemin, là, puis montrez-moi mon visage. Enlevez-vous, bon. Comment ça, montrez-moi lui? Oui, enlevez-vous, madame, merci. Bon, alors, vous m'observez maintenant? Oui, alors? Je vais plus vous voir. Ben voilà. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voit ça, et voit ça. Ah ouais, ah, c'est le voici, le voilà, l'errant rénaldien. Oh, how sweet the sound bright shining as the sun. We know less days to sing God's praise than when we first aujourd'hui, le 6-6-7. 6-7-8-2! Appelez. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire appeler. Ben, comment ça, tu l'as pas dit? T'as fait... Parce que je voulais essayer, à travers les mots, de m'envoler. Oh, mais un autre. Donnez-y ses pilules! Non, j'ai pas le droit. Donnez-y pas de pilules! Merci, vous êtes bien gentil pour moi. OK, on le garde comme ça, mais pas longtemps. Hein? On l'enferme. Il y a la cage de l'erreur canadien qui est en bas de ses carrés. Alors, si vous voulez visiter l'animateur de cette émission-ci, hein, nous vous prions de la semaine, descendre en bas. Ça coûte 5$. Vous pouvez visiter l'animateur. Il est passablement poilu, violent lorsqu'il n'est pas devant le micro, et il rugit d'une manière assez étonnante. Il ne mord pas. Il embrasse beaucoup les barreaux. Surtout Christine. Pas Christine Barreau. Christine Barreau. La grande Christine. La grande Christine. Ouais, la grande Barreau. La grande Christine Barreau. Que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Ben, il y a la, premièrement, là, j'estime que le trois quarts des auditeurs, auditrices, ne connaissent pas Christine Barreau. Non, Christiane. Christiane Barreau. Madame Barreau. Mme Barreau. Mme Barreau, OK. Aujourd'hui, le 5. Qui connaît Mme Barreau? Ben, moi, ça fait longtemps que je l'ai barré de ma liste, moi, là, Mme Barreau. Parce que la semaine dernière, là, j'ai dit, appelez-moi, sans faute, j'ai vos produits de beauté. Puis elle vous a pas appelé? Elle m'a pas appelé. Comment ça? Ben, elle avait pas mon numéro de téléphone. Ben, comment elle peut vous appeler si elle a pas votre numéro de téléphone? Première, hey, regarde-moi ça, là. Ça, les gens de même, là, j'aime ça, ça valorise notre société, ça. Hein, ça nous amène à croire à l'humanité. Comment avez-vous pu, madame, là? Vous imaginez que cette dame qui avait acheté vos produits de beauté, sans doute qu'elle s'est fait foudroyer. Comment? Elle s'est fait le tonnerre. Oh, foudroyer, non. Elle s'est fait avoir par vos produits de beauté. Comment ça? Ben, parce que vous vendez beaucoup plus cher, c'est de l'arnaque, ça, là. Ben, je tiens à dire que les produits sont petits. Et les prix sont gonflés. Et les produits sont gonflés. Non, les produits sont petits. Et oui, les prix sont peut-être... Mais ils sont pas peut-être, ils sont très chers. Mais ils sont très bons aussi, hein. Ben, voyons donc. Vous achetez ça dans un magasin à Uniprix, là, pas très cher, là, puis vous mettez ça dans les petits bocaux, hein, dans les petites fioles. Et les gens se pètent la fiole en lisant vos revues. Ah, oh, c'est beau, la photo est grosse, là. La photo est immense. Quand ils reçoivent ça dans leur petit sac de rien du tout, là, c'est deux petites crémettes dans le fond de la main. Comment? C'est deux petites crémettes dans le fond de la main, c'est terminé pour enlever les rides. Regardez-moi, Madame Chose, j'ai 73 ans. Pensez-vous, j'ai besoin de... C'est pas ça, moi, là, c'est le... Premièrement, il faudrait me refaire l'asphalte du visage. Hein? Hein? Mais je sais pas. Ou peut-être de l'eau et de la farine, me placer ça sur le visage. Ouais, mais ça fait de la colle. Oh, ouais. C'est vrai, de la colle, c'est pas bon pour la santé. Ben, ça dépend, là. Pas non, pour la santé, non. Ben voilà. Alors, c'est ça pourquoi vous avez dit... Ben non, mais je pensais que vous vouliez dire dans la vie de tous les jours. Ah, OK. Parce que de la colle... Ben, de la colle, c'est de la colle. OK. Ben, c'est pour ça que dans la vie, il faut pas lâcher les colles trop rapidement, sinon... Sinon, on se retrouve à errance rénaldienne. Non, hey, toi, t'es... Non, attends un peu, là. Tu montes, tu dis au public, t'as une petite formation de rien du tout. Qu'est-ce que t'as comme formation, t'as mon petit... Moi, j'ai fait l'école de Lévis. Oh, t'es arrêté au barreau? Oui, non, j'étais derrière. Oh, t'as... derrière les barreaux, avec Christine? Oui, avec Christine Barreau. Oh, la belle... Ah, c'est là que vous vous êtes rencontrés. Ouais, moi, c'était une prison mix. Oh, pour connaître... Pour connaître la femme, là, dans sa singularité, dans son côté un peu plus... Un peu plus quoi? Personnel. Oh! Ouais, combien vous étiez dans votre cellule? On était deux. Oh! Toi pis Christine? Ben, en fait, je jouais le rôle de Christine. Ah, oh, t'étais... Il y en avait pas eu deux, là, parce que t'as un dédoublement. Ben, moi, je me divise en huit. OK. Tu sais que la pointe de pizza, là, plus tu la divises, moins la pointe est grosse. Ben, c'est ça. Mon intelligence, moi, est divisée en 5000. Oh, monsieur. Là, actuellement, à la radio, comment tu donnes, là? Oh. Un petit morceau d'oignon? Bon, pas au pied, j'espère. Ben non, dans la pizza. Oh, monsieur. C'est bon appétit à tous. C'est long, ça. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? C'est le micro. OK. Ben, lâche le micro. Ben, à la radio, pas de micro, toi. T'es intelligent pas à peu près, là? Et toi, la superficialité quand t'as passé, t'es resté devant pendant ben des heures. En fait, j'ai resté coincé. Ben, t'avais pas à le dire. On t'a regardé là, depuis tantôt, puis on se dit que, wow! Y a pas juste la superficie, comment? Y a pas juste ça qui est resté là, hein? Le cerveau aussi, quand t'es parti, le cerveau, il est pas collé au plancher. C'est pas collé au plancher. Il s'est collé. Oh! Comme la colle, là. Oui, comme la colle. OK, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Là, je me demande si... OK, non. Ah oui, ben oui! J'ai fait une grave erreur, mesdames et messieurs. Je devais lire ça avant le générique, et là, je le lis après le générique. J'aime ça, cette émission-là, parce qu'on a le droit de se tromper. Là. On n'est pas comme... Hein? On peut se laisser aller, là. Mais pas trop, quand même, là. Hey, ça, c'est avant le générique. Là. Qu'est-ce que tu vas dire, là? Ben, je veux dire bonjour, comment ça va? Bon, d'accord. Tout le monde, c'est seul que je continue ma vie. À Dieu le Père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, plus long tel ensorme gris. On dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y'a pas de doute, faiseuse de bébés au Japon. Pourtant, à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le code de dire je suis en coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Il n'y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant j'ai plus rien à vous dire, je suis pas un sujet à chanson. oiseau revient. Si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour. Ah, je rencontre un troubadour, un auteur, compositeur, interprète de la gauche. Mon ami Stag, à toi l'artiste. Chanter loin de ta Marseillaise et de tes défilés, on sera tous au soleil, tout baiser réventé. S'il faut le faire, on le fera. S'il faut le faire, on le croira. S'il faut le faire, on le fera. S'il faut le faire, on le croira. S'il faut le faire, on le fera. S'il faut le faire, on le croira. Alors qu'est-ce que diraient les acteurs? Ah oui, c'est ça, je suis un objet. Pas seulement. Merci. Salut, bye bye. Merci beaucoup. Alors? Sinon, toi, comment ça va, Stan? Ben, ça va. Mais moi, ce qui me plaît, là, c'est qu'on se rend compte, on est juste deux, donc il n'y en a pas... Parce que trois personnes, oui, c'est plus compliqué. Ça fonctionne pas très bien. Mais à deux, au moins, on est plus concentré sur l'auteur, compositeur, interprète. J'ai écouté ton album, je l'ai diffusé, c'est merveilleux. C'est vrai que le dernier fait beaucoup plus live et on sent l'énergie. Ouais, mais il est live de toute façon. Il est live. Il est live sans public, mais il impro, c'est de l'impro. Non, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui préparent un live et une fois enregistré, ils remettent d'autres instruments, mais du 100%. Oui, je suis même... surtout que celui-là, il a été pensé comme ça, il a été fait comme ça, il était même pas prévu. Puis pour le budget, c'est merveilleux parce que ça coûte trois fois rien. Ah ben oui. Voilà, ouais. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé pendant une année? On a joué pas mal et on a commencé à travailler sur un nouvel album qui n'est pas encore du tout prêt. Puis t'es rendu à quel niveau là? Alors là, on a commencé juste à faire quelques répètes, mais du coup... On n'a même pas répété, en fait, on a invité les musiciens à des concerts dans les petits bars. Mais là, les textes sont là. Oui, il y a des textes, les textes sont là, les chansons sont là, pour, en grande majorité, oui. Et qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Parce que là, tu es rendu à trois albums. Oh, j'en ai fait plus que ça, mais les autres, il n'y en a plus. Okay. Ça doit être le cinquième, celui-là, que tu avais filé, là. OK. Mais comme je ne l'ai fait pas en grande... Tu vois, il n'y en a pas beaucoup, donc après, j'en ai plus. Mais celui-là, on avait envie de faire un truc avec un producteur qui s'appelle Seb Le Bison, je ne sais pas si tu connais. Non. Un bel de production. C'est un producteur de Montreuil, qui est assez drôle, assez génial d'ailleurs, et qui est plus versé dans le rock. Il nous a vus dans un festival, et en fait, après le concert, il est venu nous voir. Il a dit, moi, je veux faire un album, j'ai envie qu'on fasse un truc ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a branché chez toi? Quand tu t'as vu, qu'est-ce qui l'a branché chez toi? Lui, je pense que c'était l'énergie, la voix, puis l'univers un peu... Rentre dedans. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, lui, il a tout de suite pensé à un quatuor contrebasse, batterie et guitare et guitare-voix, quoi. Formation rock puissante et classique. Oui, mais dans un esprit chanson rock, tu vois, lui. Ouais. Lui, il aime beaucoup le rock et il aimerait que les chanteurs se remettent à chanter en français dans le rock, tu vois. Il travaille aussi avec des gars qui chantent en anglais, mais ça, je pense que ça lui a plu l'idée. Je pense qu'il a vu des sons dans sa tête. Il savait pas peut-être que le rock pouvait sonner comme ça. Si, je pense que si. C'est quelqu'un qui a de la bouteille. Hein, okay. Non, c'est vraiment un coup de comme ça, une rencontre, quoi, comme la vie, quoi. Mais lui, il t'a vu en spectacle? Oui, il nous a vu dans un festival. Et il y a eu un coup de foudre. Et lui, il jouait dans ce festival également. Les festivals parce que tu rencontres plein de monde. Ils viennent te voir, puis là tu te dis, peut-être qu'on va travailler ensemble. Alors je sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas il a eu envie qu'on fasse un truc. Si c'est pas un coup de cœur. Et on a lancé le truc tout doucement avec François Janin, François, le batteur de Paris Combo. Ouais. Que j'ai rencontré. Avec tous les drames qui vont avec d'ailleurs. Ouais. Et Anne Gouraud, une contrebassiste. Mais Paris Combo qui n'existe plus, je crois. Hein. La chanteuse est décédée là, il n'y a pas très longtemps, mais il y avait l'album. Et ils ont fait une tournée en Australie, j'ai vu. Et là, c'est qui la remplace? Parce qu'on m'avait dit que c'était. Comment il s'appelle là On a changé de visage. Bonjour. Oui, ben c'est rendu un mort. Je vais vous prendre un demi-mot. Un demi-mot. Après son badge. Ouais. Moi, je vais vous prendre un savoir venir. Voyons au chinois, un chinois. Un chinois, ça marche. Ils sont plusieurs à chanter, en fait, je crois qu'il y a François, déjà, il chante aussi. Non, mais aussi. Comment elle s'appelle, donc, elle est incroyable, là, déstructurée, un nom un peu Ramirez ou... Oui, oui, parce que, ouais, j'ai bouffé son nom aussi. Mais je crois que, parce que là, ils sont partis en Australie, effectivement, il y avait... Mais c'est qui que t'as rencontré, du groupe? François Jeannin, le batteur. OK, OK. On a fait deux concerts. Moi, j'ai connu le guitariste. D'accord. Qui était, en fait, le mari de... La chanteuse qui est décédée. Je l'ai pas connu la chanteuse, enfin pas, pas personnellement, toi. Mais tu connais le groupe? Le groupe, je connaissais, oui, mais pas les membres. Même François, moi je l'avais déjà vu parce qu'il avait joué avec Pigalle aussi. Ouais. Donc je l'avais vu jouer. Ah, tu es décédé à Di Lazzaro. Il n'y a pas très longtemps aussi, là, juste. Comment tu as pris sa mort? Bah, c'était. Mais ça, si tu veux, moi, on avait fait sa première partie avec Hervé avant le confinement à Strasbourg. Oui. Donc. On l'avait vu et puis. Mais moi, ça fait grandir. Pour moi, ça grandit. Ça fait. Écoute, ça, c'est ma jeunesse. Ah, bah ouais. Et en fait, j'ai un ami qui bossait chez lui, qui faisait des travaux chez lui, puis qui nous a dit, bah là, ça a été une vitesse fulgurante, quoi. Il est parti. Mais est-ce qu'on a parlé en France ou c'est... Oui, oui, il y a eu quand même un écho. Bah, c'était une figure, quand même, du, oui. Tu vois, du rock. Il y avait Pigalle aussi. Les garçons bouchés, Pigalle. Et Adi Lazzaro dans son côté soliste. Oui, puis même avec Oscar Ayos, déjà à l'époque, avec Schulz, tout. Oui. C'était... Quand on va sur les martyrs, il y a toujours la chanson qui nous revient. Ah bah oui, oui, oui. Si, mais il y a eu quand même... Ah, il y a d'autres choses, mais... Non, mais je veux dire, quand il est décédé, il y a eu... C'est pas passé inaperçu médiatiquement, okay, médiatiquement je veux dire, quand même. Okay, c'était quand même... Bon, après, les jeunes, ça leur parle peut-être pas, mais... Ben, ça va leur parler, éventuellement, mais... parce que peut-être que tu vas en faire sur scène. As-tu le goût de reprendre des gens qui t'ont influencé? Je le fais jamais. Très, très rarement. Enfin, jamais. Très, très rarement. Parce que c'est vraiment la reprise, c'est à part, tu vois, c'est vraiment, c'est d'autres, moi je trouve que c'est d'autres compétences, d'autres qualités. Moi, un truc que je veux reprendre, c'est forcément quelque chose que j'adore, et j'ai toujours peur de dénaturer, parce que j'aime tellement la version. Et là, c'est rigolo que tu dis ça, parce que pour la première fois, l'autre fois j'ai été invité à... On a joué au Forum Léo Ferré, invité par Christian Pacou. Quelle salle incroyable, hein. Et du coup, j'ai fait une reprise d'Alain Leprest, le copain de mon père. Oui, le copain de mon père, oui. Et en fait, si tu veux, quand on l'a repris avec mon guitariste Hervé, on a commencé à regarder, tu vois, c'est super bien écrit, en plus, tu vois, t'as peur d'y toucher. Ah, c'est fou, parce que... Et puis j'ai dit, on s'est dit, en fait, si on garde le 3 temps, on va pas y arriver, tu vois, puis moi, j'ai les mêmes timbres, je vais être dans l'imitation, et du coup, on l'a pris en 4 temps, un peu swing, tu vois, le copain de mon père, là, tu vois... Et du coup, ça a super bien marché, ça m'a donné envie de la garder, celle-là, dans le set. Mais... Alors, tu te l'as accaparé. Là, voilà, il y a tout un travail de... Mais j'ai eu besoin de changer la musique, mais, quand même. Pas changer la musique, mais de... Ah ouais, de le mettre à... Dans un autre univers, pour pouvoir le chanter, quoi. Au style Stag. Voilà. Plus, se rapprocher plus de Stag sans trahir des poètes comme ça, tu vois. Mais c'est fou, Alain Leprest, on en a parlé ce matin, on en a parlé hier, il est toujours sur une... Ah bah ouais, il y a toujours... Il y a un noyau de fans de la poésie, ben, c'était un grand, hein. Et toi, ton disque que tu prépares, est-ce que les textes sont déjà pondus, tout est terminé? Quasiment, ouais. J'en ai d'autres qui viennent, parce que nous, ça prend toujours tellement de temps à mettre en place, parce que comme on n'a jamais d'argent, forcément, tu te dis pas on attaque là. C'est comme la dame avec son cinéma. Donc, entre-temps, j'écris des chansons. Okay. Pour d'autres? Non, pour cet album. Okay. Parce que du coup, tu penses aussi, lui, il a vu des choses, il a dit j'ai envie de faire un album, mais toi, après, tu penses, tu te dis ouais, mais... Tu penses contrebasse, ouais. Et t'écris des chansons. Ah oui, okay, parce que tu vois le groupe qui sera là pour enregistrer. Ouais, ouais. Du coup, ça déclenche d'autres formes d'écriture. Et j'espère que ça va aboutir, quoi. Parce qu'on a, en fait, on a fait deux répétitions et deux concerts. Parce que tu sais, on s'est dit, plutôt que de travailler en studio, machin, je l'ai invité dans des concerts, des petits, ils connaissaient pas les chansons, donc. Mais c'est déjà encore un niveau, tu vois, donc... Mais, ils peuvent permettre de découvrir des chansons avec des grilles assez basiques. Mais ce qui est bien, moi j'écris, toi. Et ce que tu viens de dire, c'est bien parce que tes chansons vivent sur scène avant d'être antiquées. Ah oui, ouais, toujours. Alors toutes tes chansons ou celles qui seront sur le disque vont avoir vécu au moins quelques fois sur scène. Alors, oui. Si tu veux, d'ailleurs, ça peut être se retourner d'un point de vue marketing, business, tu vois. Les gens, ils sortent un nouvel album, les gens, ils découvrent les chansons, mais moi, j'aime pas ça, moi. Enfin, j'avais une chanson, il faut que c'est comme un enfant, tu vois, ça naît, puis il faut que ça grandisse. Parce que c'est des chansons aussi qui peuvent, à un moment donné, avorter du fait qu'il n'y a pas autant de ressenti que tu pensais, donc tu vas la retirer. Ouais, oui, tu as des chansons qui disparaissent, des sets comme ça. Toi, tu les aimes, mais le public, tu vois qu'il n'y a pas de... Oui, mais moi, j'aime bien essayer des chansons, ouais. Puis moi, je joue dans des lieux, tu vois, il n'y a pas d'enjeu, t'es pas à Bercy, t'es pas à l'Olympia, donc. Des fois, j'écris des chansons juste avant, tu vois. Ah oui, oui, ok, derrière la scène, en prenant ta petite bière, tu... Et tu l'as fait après ça? Et après, je l'ai fait pour voir ce que ça... Okay. Quand je suis tout seul, je fais ça. Ouais, avec tes musiciens ou il faut que tu sois seul? Bah, souvent, c'est quand je suis seul, je fais ça. Ok, parce que... t'en revois, ouais. Mais avec Hervé, ça m'est arrivé de dire... Tiens, tu la connais pas, j'ai fait ça l'autre fois, je lui fais écouter dans les loges, et comme c'est des grilles simples, on part là-dessus, et après, okay. Il enrichit. On a fait ça au théâtre l'autre fois, au théâtre de la Girandole. On avait joué à Montreuil, il y avait un festival de chansons, là. Et du coup, j'avais écrit une chanson, et on jouait, c'était que des coplateaux, on venait deux soirs. Ah, il y en a beaucoup, qui c'est, ouais. Deux soirs par semaine, on jouait dans le même théâtre, ouais. Et en coplateau. Et du coup, le samedi, on s'est retrouvé avec Johnny Montreuil. Ouais. Avec il était avec son nouveau guitariste, là, super, d'ailleurs j'ai adoré, vraiment super. Et du coup là par exemple j'ai dit Hervé, tiens, je lui fais écouter une petite grille. Ça, je lui dis tiens, ça t'inspire, il me dit ah ouais c'est bien et tout. Je dis bah, j'ai écrit une chanson, je dis, on l'a fait. C'était acoustique, je dis on l'a fait, comme ça on voit les gens comment ils réagissent. Et puis. Et la chanson a super bien marché, tu vois. Donc, alors, après on peut retravailler, on dit mais là ça serait bien si on fait ça, si tiens tu fais ça, tac tac. Mais moi j'aime bien ça parce que. Mais le premier geste, c'est faire un spectacle. C'est faire un spectacle, comme ça... voilà. Alors, ça peut se retourner contre toi, hein, parce que des fois, c'est des trucs pas aboutis, les gens, ils disent « Oh, c'est quoi ?» Et mais, ça va se terminer sur un disque, éventuellement. Là, je pense que celle-là, par exemple, elle y sera, ouais. Et le titre? J'ai pas de titre encore, okay. Il n'y a pas de titre encore. Ouais. Mais quand tu l'as annoncé au public, il n'y avait pas de titre. Non, il n'y a pas de... OK. Mais ça, tu t'en fous. En fait, ce que tu veux, c'est vérifier le matériel que tu fais, à travers du matériel que tu connais très bien. Donc, t'as comme une ligne médiane. C'est tes chansons que t'as déjà écrites et les nouvelles qui vont venir. Ouais, puis je pense que moi, je pense que c'est le privilège des petits. Nous, on peut se le permettre, tu vois. Oui, je comprends. Parce que même le texte, il peut changer. Moi, je vois la réaction quand je le fais tout seul dans un endroit où il y a de l'écoute. Je me dis, tiens, ce bout de texte, je les perds à ce moment-là, peut-être que ça moi j'ai l'impression que c'est bien, mais peut-être que ça vaut le coup que je retravaille ça pour voir. Est-ce que c'est aussi les musiciens qui sont avec toi et qui se disent, écoute, il me semble que dans ce, à ce moment-là, les gens ont décroché un peu. Puis... Oui, avec Hervé, oui, parce qu'on... Puis t'es très critique. On se connaît beaucoup, enfin, très, beaucoup, quoi, tu vois, donc on a... Mais t'as travaillé longtemps avec? Ben, en durée d'année, non, mais durée, je sais pas maintenant... Non, mais de représentation, de spectacle. Sur, ben, sur, vous, a, sur... vous avez joué souvent ensemble? Ah oui, avec Hervé, oui. C'est ça. Oui. Cette année, on a un peu moins joué parce qu'on s'est concentré sur des choses. Puis lui, là, il a eu du travail à côté. Mais t'es encore théâtre, intermittent? Etc. Mais t'es encore intermittent? Oui. Ok. Oui. Mais. Ah oui, sinon, on pourrait pas, quoi. Toi, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Eh bien, ça, je sais pas, en fait. Ça marche dans les deux sens. Mais souvent, ça marche dans les deux sens. Des fois, j'écris un truc sur un thème, tu vois, sur une idée, développer une idée en chanson. Mais souvent, moi, c'est quand même des expressions, des mots qui déclenchent des écritures. Et ça, c'est étonnant parce que c'est vraiment un truc que tu ne maîtrises pas, quoi. Moi, je suis incapable de m'enfermer dans ma chambre et dire je vais écrire un album, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Et c'est vrai que souvent, moi, c'est des mots, des expressions que je suis en train de marcher. J'enregistre vachement sur mon téléphone. Oui, ça aide. Hein. Pour m'en souvenir, mais... J'ai une chanson, d'ailleurs, qui est sur un ancien album. Que j'ai pas, Non. Okay. Que moi non plus, j'ai plus, d'ailleurs. Mais que je peux trouver sur Internet? Oh, même pas, non. Non, mais enregistré de YouTube, non? Même pas. Je pense même pas. Faudrait que... Mais ça, par exemple, c'est des vieilles chansons que j'ai envie de remettre aussi, parce que avec une contrebasse, je trouve ça... Et ça s'appelle comment? Ça, c'est L'Homme du comptoir, elle s'appelait, cette chanson. Mais l'histoire, elle est assez drôle. Enfin, elle est assez drôle. Je me rappelle, j'allais jouer en concert à Millau, tu vois, à la Loco. C'était un lieu... Mythique. La locomotive, c'est ça? Ouais, ouais. Chez Iñaki, tu vois, un peu un art. Oui. Ben, il y avait les Super Nanas qui étaient là souvent. Ah ben oui, puis il a vu tout le monde là-bas. Puis c'était, tu vois, le démontage du McDonald's. Mais ça, c'est en 89, 90, 80... Parce que... Eh ben, il a vendu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Okay. Il a vendu il y a 3 ans. Puis c'est rendu quoi, là? Ah ben, lui, il est toujours dans le... C'est toujours resté un bar, restaurant, concert, mais c'est plus du tout... Non, OK, c'est fini. Enfin, moi, j'y suis passé une fois boire juste un coup. Ouais, ça, non. C'est pas... n'y a plus rien. Bah, c'est pas... Après, non, genre, peut-être qu'il se passait des choses. Hein. Moi, je suis après, tu vois, je n'y vais pas souvent, Mio, mais la dernière fois que je me suis arrêté comme ça, tu sens que c'est pas... C'est fini. Iñaki, c'était quand même tout un personnage, un militant. Ouais, ça n'était que le militantisme. La page est tournée. Nous, on avait joué pour son anniversaire, pour ses 60 ans. Et ses potes, tu sais ce qu'il lui avait offert? Une manif pour ses 60 ans. Une manif dans son établissement? Non, dans la rue. Ah oui, une vraie manif. Ah, c'est bon. Et lui, il disait, je comprends pas, au concert aujourd'hui, il n'y a personne et tout. Et en fait, ils avaient bouché la rue et ils sont arrivés, une manifestation. Ah, c'est bon, c'est bon. Avec les pancartes pour son anniversaire. Avec un voyage pour Cuba, je crois. Yeah. C'était pour son anniversaire. Ah oui, un voyage pour Cuba. Ah ouais, mais ils étaient nombreux, il y avait du monde. Hein. Ils avaient fait une belle manif. Est-ce qu'il y avait des flics? Non, pour... Ah ben, les flics sont venus, évidemment, parce que c'était son quotidien, lui. Hein. Le nombre de procès qu'il a eu, lui. Non, mais les flics ont été bons enfants, ont embarqué. Sur ce coup-là, non, ils ont été, oui. La rue est une putain, la rue est une catin, la rue est infidèle. Je me méfie d'elle, elle a drogué ses foules contre des flics en gargouille. Elle a mis en prison ce vendeur de chansons. La rue est infidèle, et je me méfie d'elle. La rue est une putain, la rue est une catin. La rue est infidèle et je me méfie d'elle. Elle a vendu son âme au bon républicain. Elle a fermé ses poubelles des fois quand on aurait faim. La rue est infidèle et je me méfie d'elle. Solo. La rue est une putain, la rue est une catin, la rue est infidèle et je me méfie d'elle. Le bourgeois peut dormir, servir le capital, mais nous mes vieux potons, ben, il nous reste que dalle. La rue est infidèle et je me méfie d'elle. Mais ce soir, je sors plein d'espoir, oui. Et ce soir, je me rue sur elle. Car ce soir, je suis étincelle. Et ce soir, c'est la nouba des annales. La rue est une putain, la rue est une catin. La rue est infidèle et je me mets fidèle. La rue nous a trompés, une heure s'est tout fermée. Elle s'habille en Chanel, finit les costards de flanelle. La rue est infidèle et je me mets fidèle. No. Mais ils avaient prévenu les autres, ils avaient demandé une autorisation, je pense, de Manix. Oui, parce qu'ils font une autorisation. Là, ils ont dit, si vous pouviez passer, ce serait merveilleux. Oui, non, c'était drôle. Pour faire comme une vraie. Ah, mais c'était une vraie, hein, oui. Les banderoles. Mais ils ont pas fait, ils se sont pas rendus loin. Normalement, c'est. Non, ils ont fait. Horrible. Et puis lui, comment il a réagi? Ah, mais il pleurait presque. Ah oui. C'était drôle. Là, il sentait son côté anarchiste. Oui, là, tu voyais là. Puis là, comment il va? Il était touché. Ce bonhomme. Il était touché, quoi. Mais comment il va? Moi, là, je ne l'ai pas revu, ça fait un petit moment maintenant avec le confinement, mais la dernière fois que je l'ai vu, il est à fond maintenant, mais... Ailleurs? Dans le militantisme, quoi. OK. Il a abandonné le bar il a abandonné le bar. Mais il est encore resté de gauche. Oui, il a investi plus que jamais. Mais... Ouais. Mais on dirait qu'avec l'âge, on y croit davantage. Hein. Il ne peut pas décrocher, Ah non, pas à ce niveau-là. Non, lui, jusqu'à la fin... Et puis vas-y, par rapport à ta chanson... Pourquoi je disais ça? Non, on était parti, mais c'est bien, c'est et ça. Et donc, en fait, j'étais sur la route, donc j'allais récupérer l'autoroute, j'arrivais de Lozère, tu vois, pour arriver à Millau, et j'arrive tout seul à un stop, comme ça, et là, j'ai une image qui vient, un amour resté chrysalide. Je dis, tiens, c'est joli, ça, mais je sais pas pourquoi, il n'y a même pas un insecte qui s'est écrasé sur mon pare-brise. J'ai dit, pourquoi? Et du coup, j'ai enregistré, et ça a donné une chanson... qui n'a rien à voir de l'homme du bout du comptoir, celui qui meurt, c'est l'alcoolique, qu'on ne sait pas d'où il vient, mais qui était là, puis d'un coup il n'y est plus, voilà. Et bien cette chanson, tu vois, ça commence à faire... Il avait sous les paupières des valises, dès qu'une larme lui perlait, aussitôt il s'en excusait, c'était l'homme du bout du comptoir, celui qu'on trouve toujours bizarre, si rose en étendard, nous autres on l'appelait le poète, ses lèvres n'avaient connu que des vers, etc., etc. Eh ben, cette chanson, elle est née là, un stop, avec une expression, un amour resté chrysalide. Et ça a donné ce personnage dans un bar, il est mort comme il a vécu. Quoi que ce personnage-là a déjà existé. Ah ben oui, et puis du coup... Il existe encore. Oui, il existe, il est mort comme il a vécu, le cul sur un tabouret, voilà. C'est beau. C'est le refrain. Puis la musique, est-ce que tu l'as voulu nostalgique ou tu l'as voulu rock C'est ce que j'étais en train de... De te poser comme question. Elle était très, c'était une musique très douce. Mis en mineur. Nostalgie. C'est ça? Je sais pas si on peut parler de nostalgie, mais un peu, un peu triste, quoi, qui tire sur l'émotion. Un peu comme mon pote, nanana. Oui, je crois que je l'avais écrit en mine mineur, un truc comme ça. Mon pote, nanana. Oui, c'était un peu, cette espèce d'univers un peu triste, un peu sombre. Tu veux plus la refaire ou? Si, justement. Et ça comment fait... ça, tu l'as oublié? Je la chantais plus déjà, je sais pas pourquoi, parce qu'après t'en as qui rentrent. Une en pousse une autre. Hein. Voilà. Et en fait, en pensant contrebasse, ça fait une semaine, par exemple, que je cherche. J'ai envie de la rendre plus. La remettre plus. Viens te chercher là. Plus rock, plus dynamique, plus. La ah, même plus histoire. Rock, ok. Enfin, plus rock. Pas plus rock, mais. Plus swing un peu. Voilà, un peu plus swing, un peu plus... Moins nostalgique. Moins de nostalgie, ouais. Voilà, tu vois que c'est une histoire, c'est une histoire de vie comme une autre. Ouais. Mais t'aimes ça, raconter des histoires de vie? Moi, j'aime bien... En fait, c'est des portraits, c'est des films, c'est des... C'est un peu l'image des chansonniers, tu vois. Moi, je suis un peu dans cet univers, quoi, plus que... Mais à travers... Plus qu'un univers poétique pur, tu vois, comme... Comme le Prest ou... Mais après, tu vois, des chansons comme Le copain de mon père, j'adore, parce que ça raconte, c'est des tranches de vie, tu vois, c'est... Mais à travers chaque personnage de tes chansons, est-ce que c'est un peu toi? Bon, j'imagine qu'on y met toujours où ce qu'on est, où ce qu'on aimerait être, tu vois, parce que... Ce qu'on voudrait pas être, non plus. Ce qu'on voudrait pas être, surtout, oui. Ça aussi, je l'aimais pas mal, ce que je voudrais pas. En ce moment, c'est plus ce que je voudrais pas être. Non, mais c'est que tu pourrais être comme ça. C'est des personnages qui pourraient être comme toi. Ah oui. Mais. Donc, tu as comme pris. Tu as fait une projection. Oui, c'est ça. Il y a forcément un peu de. C'est très freudien. Soi... Sans trop. Tous les arts, je pense. Oui, c'est ça, la peinture, le cinéma, oui. Est-ce que tu as plus de facilité aujourd'hui à écrire parce que tu as trouvé ton style d'écriture ou il n'y a pas de style d'écriture? Non, je pense pas. Enfin, je crois pas. Je pense pas que j'ai plus de facilité. Après, il y a des choses d'écriture que je fais pas, qui pourraient être drôles, mais que j'en fais pas une chanson parce que c'est tellement un autre univers. Parce que t'as peur? Tu veux pas y toucher? C'est pas que j'ai peur, c'est que Ça serait. Ça demande pas les mêmes instruments, ça demande pas les. Tu vois ce que je veux dire? L'autre fois, on était au bar, enfin au bar, oui, forcément. On est toujours dans un bar. Hein. Bon, y a des, le bar de la vie. Voilà, nous, il y a quelques livres dans ce bar-là. Ça, ouais. Ça fait bibliothèque. C'est ça. Et on était. Je sais c'est pas. Moins un poulet qu'une bibliothèque. Oui, c'était une super carte. Et on était avec des potes à l'apéro. Et tu vois le genre de. Tu vois Philippe Catherine, cet univers. Moi, oui. J'adore, par exemple. Mais ça m'arrive des fois d'écrire comme ça, mais jamais j'en fais une chanson pour moi que je vais faire. Et là, j'ai un copain qui commence à s'énerver sur Bruno Le Maire, je ne sais pas ouais. Pourquoi. Okay. Et il y avait de la techno à côté. Et je lui dis, putain, et lui, c'est un gars qui a une émission. Il y avait un copain qui travaille à Paris dans le salon social, qui a des responsables, tu vois, qui toute sa journée, c'est un peu. C'est toujours plombant, quoi. Et un autre qui est un super pote, et lui qui a une émission sur France Culture il y a très longtemps, et maintenant il bosse pour une grosse boîte. Ah. Et ils viennent à. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il s'énerve sur Bruno Le Maire. Et il y avait ces technos, je lui dis, putain, viens, si on trouvait un truc techno là, tout, et qu'on fait un truc à la Philippe Catherine. Bruno Le Maire, c'est pas ton père, mais qu'est-ce qui rime avec Picpus, c'est pas Anus ni Uranus, mais Bruno Le Maire, c'est pas ton père, tu vois. Mais tu devrais la garder, ça. Et ça, je peux le faire, je sais le faire, ça. Et je dis, mais je le fais pas. Mais peux-tu dire pour les auditeurs qui est Bruno Le Maire? Bruno Le Maire, c'est un ministre, de ce gouvernement ridicule qu'on a, enfin de droite. Oui, ben oui, faut pas l'oublier. C'est un ministre en campagne qui était de droite et qui, quand il parlait de Macron, il disait mais Macron, c'est une coquille vide, c'est le néant. Puis maintenant, il tourne sa veste continuellement. Ah, c'est un faux cul. De toute façon, politiquement, c'est le néant. Tu sais, ça, c'est un faux cul. Et je ne sais pas pourquoi, c'était parti sur le... Bruno Le Maire, c'est pas ton père. Tu vois, c'est ça. Et c'est toi qui as trouvé ça, ça. Oui, ben c'est venu parce qu'il y avait une espèce de groove techno, tu sais. Et puis là, tes copains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disaient, ouais, bien. J'ai dit, il faut qu'on en rajoute et qu'on en fasse une chanson. Mais ça fait tellement Philippe Catherine que je me dis, je vais pas faire ça, moi. C'est pas ton père, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui rime avec Picpus? C'est pas Anus ni Uranus, mais Bruno Le Maire, c'est pas ton père. Ça serait génial. Et avec de la tu vois. Tu la mets en dernier, comme ça, ça brise toute la... Et bien, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, après, sur un album de chansons, oui. Tu vois, comme ça, on met ça du à la star, fin. Mais la fin, tu dis... Ça peut être drôle. Oui, parce que ça peut être une ouverture pour un prochain style. Ah oui, mais pourquoi si pas tu fais un album uniquement d'un peu de techno comme ça, avec... En plus, ça coûte pas cher. Stella l'a déjà fait, le groupe belge Stella. Mm. Hein, c'est juste... Mais c'est vrai qu'après, voilà, sur scène, il faut un ordi, un machin... Bon, mais tu penses que c'est une boîte à rythme. Je m'interdis rien, oui. Pourquoi pas, parce que moi, j'adore faire des conneries comme ça. Plus de musicien, une boîte à rythme, tu pèses, ton, ton, ton, de banana. Tu sais, c'est quand... Puis ça le fait. Ah oui, et du coup, voilà. Ah, mais c'est bien d'être inspiré constamment. Mais c'est vrai que ça, souvent, j'en ai des tas, et c'est des choses dont je fais rien. Est-ce que tu te surprends? Je sais pas si ça me surprend, mais... Non, tu te surprends? Ah, je sais pas. Non, je pense pas. Ce qui me surprend, c'est de ne pas faire des choses plus rigolotes systématiquement. Parce que moi, j'aime faire le con, j'aime rigoler, machin, et j'écris toujours des chansons. Mais ça, c'est de leur faute à eux. Quoi. S'ils n'étaient pas là, on n'écrirait pas des chansons comme ça. Quoique cette chanson-là est rigolote, donc ça prouve que tu peux... Oui, je peux jouer aussi, quoi. Mais après, tu vois bien comment ça se passe, tu sais. Ben c'est pour ça qu'il ne faut pas plomber les gens avec ce qui se passe. Donc, les faire sortir un peu. Oui, moi, j'ai des chansons quand même. C'est comme Mano Solo s'est dirigé dans, à un moment donné, se plaindre, tous ses albums, on entend le type qui râle et qui en souffre, qui en veut au monde d'avoir été ce qu'il était, c'est ça qui est grave. Oui, c'est vrai que ça, Mano Solo... Est-ce que tu trouves que sur tes albums, il y a comme un fil conducteur? Je sais pas. Quelque chose de... Tu réfléchis pas? Non, j'y pense pas plus que ça quand j'écris. C'est pas, tu construis pas un truc qui s'appellera une œuvre ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai envie d'écrire ces choses-là parce qu'il y a... Tu vois, les Mano Solo, mais aujourd'hui, des fois, t'as presque l'effet inverse qui se produit. On va faire que du festif parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais quoi que donc, c'est on n'en parle idée. Pas, tu vois. C'est une meilleure idée. Mais du coup... Pas que festif, Pigalle était festif, mais il disait des choses assez... Oui, il y a ça aussi. Et ça, voilà, ça c'est plus simple quand t'as un groupe, tu vois, que quand t'es tout seul, quoi. Oui. Festif égale tempo, égale... Quoique... Après... Ouais, mais tu sais que... avec une guitare, tu peux faire du manouche. Donc, oui, oui, oui, c'est ça. Mais... On en connaît qui font beaucoup de succès avec ça. Ah ben oui, bien sûr. Mais... Oui, je sais. Sans Saverino en état. Ah ben oui, mais nous, ça nous arrive de faire des choses ensemble. C'est ça, je le sais. On se marre, quoi. Oui. Mais ça, moi, je sais pas le faire. Enfin, je veux dire... Tu sais pas faire quoi? Ben, jouer comme ça, déjà. OK, ouais. Déjà pour commencer. Ouais, ouais, ouais. Et il a une espèce d'écriture automatique est complètement différente de... La tienne? Ouais. Moi, ouais, la mienne, enfin, quand j'écris, c'est quand même... C'est libre, mais c'est pas, moi, je suis pas libre, si tu veux, c'est tout de suite le ouais, truc. Ouais, ouais, ça okay. me tire tout de suite vers... Ouais. Parce qu'il y a des choses qui m'agacent tellement et qu'on l'a dit... Tu vois, j'ai écrit une chanson il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, je l'ai fait tout seul. C'est une espèce de swing blues, je me suis dit, tiens, je vais faire écouter ça à Hervé, puis je l'ai fait dans un petit bistrot dans le sud-ouest, et c'était rigolo, c'était un truc, ça faisait, c'est pas les pauvres qui coûtent cher, ce sont les cons qu'on se le dise, tu vois, mais avec un texte un peu rigolo, c'est pas vrai. Et après le refrain, j'ai dit, attention, ça va faire boum, boum, boum. Ah oui, oui, oui, c'est ça, oui. Il y a trois semaines, j'ai dit, plutôt que de prendre des cabinets de conseil à 100 000 euros, il ferait mieux de nous demander. Mais c'est précurseur, précurseur. J'arrive pas à comprendre. Et du coup, j'ai dit, bon, on fait des chansons pour dire ça, alors que tout le monde le sait, mais bon. Quoique, devant trop de vérité, on se cache, hein? Il y a un peu de ça aussi. Mais j'en ai écrit avant, il y a 10-15 ans, j'écrivais des chansons plus rigolotes. J'aimais bien, je sais pas. Mais c'est des périodes, après, c'est pas quelque chose que je maîtrise, toi. Est-ce qu'il y a des chansons que tu aimes davantage comme un enfant et tu veux pas les éliminer dans ton répertoire? Et qui reviennent constamment, peut-être en étant modifiés au niveau de la musique, mais les mots restent... Est-ce que les mots restent toujours semblables, ou une fois que c'est collé, tu veux pas... Moi, j'ai des chansons, des fois, que je chante depuis super longtemps, comme je fonctionne pas par album, si tu veux, yeah. Et que t'as tout le temps des chansons qui viennent se greffer, et puis d'autres qui sortent, t'en as forcément qui vont rester 10 ans, comme Suzy, par exemple. Ouais. C'était des chansons, les gens, ils l'aiment bien, alors pourquoi je la chanterai pas, mais cette chanson... Mais là, tu parles des gens, est-ce que toi aussi, tu l'aimes? Moi, je l'aime bien, oui. Et puis, je l'aime bien, parce qu'en plus, j'ai pu la chanter de manière complètement différente. Suivant avec qui je jouais, on l'a fait en version comme ça, en version valse, en version rock, en version trash, en version punk avec Hervé, tu vois. Et ça, c'est une chanson que j'aime bien, et qui, ça fait plus de 10 ans que je la chante. Mais par contre, elles ne sont pas figées dans le texte, ouais. Si je retrouvais des vieux albums d'il y a 10 ans, par exemple, j'ai des chansons que j'ai raccourcies ou que j'ai mélangées avec... et que le texte, c'est a carrément changé, quoi. Évidemment, tu te dis, mais c'est con ce que j'ai dit, là, en fait, tu vois. Mais c'était le début, S'il faut le faire, par exemple, tu vois, c'est une chanson que j'ai mise sur plein d'albums. Qui est un peu pas... Tu vois, qui est un conseil. S'il faut le faire, on le fera. Et je sais que sur le premier album, c'était « S'il faut le faire, on le fera, on brûlera les bagnoles, tu vois ». Et cette chanson, elle a 10 ans, elle a plus de 10 ans, quoi. Mais après, j'ai changé. Elle est collée à l'actualité. Après, je disais « Oh, c'est con, en fait ». Mais en même temps, elle est collée à l'actualité d'aujourd'hui. La version d'il y a 10 con, ans. C'est ça, c'est pas con, c'est précurseur. Alors qu'aujourd'hui, je dis « On prendra le maquis, on se fera bandit ». Tu vois, le texte, il a changé, mais l'esprit, c'est le même. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Et c'est tu dis « Merde, finalement ». Je fais réclamer des ronds au gouvernement, à la place du cabinet McKinley. On vous l'a dit. Ils vont t'accuser d'avoir été l'investigateur. Oui, l'investigateur des violences urbaines. Oui, oui. Est-ce que tu te sens inspiré de tout? Ou il y a des choses qui ne t'intéressent pas et que tu ne veux pas toucher? Je ne pense pas. Il y a des choses que je ne vois pas et auxquelles je ne pense pas, mais je n'ai pas d'interdit. Quoi. Je ne crois pas. Je pourrais m'inspirer de tout. Et toi, tu es un type qui vit musique, qui dort musique, qui mange musique, qui... Ben, pas tant que ça. Enfin, je fais que ça. Ouais. Mais je m'aperçois, même l'autre fois, je me disais, putain, il faudrait que je me force. J'écoute pas tant de musique que ça, tu vois. J'écoute la radio, pas mal. Ça, écouter de la musique, parce que si t'es musique, t'as pas besoin de musique. Oui, c'est ça. C'est toi qui l'as fait, la musique, c'est pas toi qui l'écoute. Mais des fois, ça me fait peur. Je me dis, putain, en fait, tu t'enfermes dans un truc que tu sais faire, et comme tu sais pas faire grand-chose, écoute ce qui se passe aussi, tu vois. En même temps, tu peux être trop inspiré. Je me fais violence. J'écoute les albums des potes, en fait, quand on s'échange, ouais. Je suis d'un album, tu vois. Ouais. Bah, je suis allé voir, j'ai vu que tu étais l'autre fois, je suis allé voir le dernier spectacle de Paul Pechenard, là. Oui. Oh, qui est absolument extraordinaire. Ah, que tu connais? Ah oui, oui, oui, c'est, okay. C'est un ami, oui. Oh, oui. Et je suis allé le voir au Cénobar, là. C'était, je pense que c'était la première qu'il faisait, là. Ah, oh, c'est où, son... Oui, il parle à son fils, oui, là. Oui, exactement. Ah, c'est absolument génial. Oui. Ah, vraiment, c'est... Moi, je suis fan. Et, ben, tu vois, et pourtant, c'est... Paul, c'est vraiment un univers complètement différent du monde. Alors, tu connais Rature? Qui? Rature? Non. Ok, mais c'est celui qui travaillait avec lui. Qui, est qui arrive en tutu, Rose. Ah, d'accord, mais je vois qui c'est. Mais Rature. Je le connais pas lui personnellement. Ok, ok, mais Paul, tu devrais le rencontrer. Parce que moi, Paul, je l'ai rencontré par David Sigmat, oui. Par toute cette bande. Ben oui, ben ça, c'est sa clique. Toute cette bande. Est-ce que tu as déjà... Si je le connaissais quand à l'époque où il était avec les Dogs, enfin, je le connaissais. Moi, j'écoutais ça, donc. Oui. Mais je ne connaissais pas lui. Moi, j'étais pas à Paris, je ne le connaissais pas. Non, toi. Mais c'est fou comment il a changé. Hein. Mm. Mais ça reste le même, le même anarchiste. Ah oui, puis c'est beau, il a une écriture, moi j'adore. Oui. Son dernier album, là, l'avant-dernier, là, il a une chanson d'un mec sur un banc, là, où il parle de la... Moi, c'est merveilleux, oui. Mais pourtant, tout, il est tout doux, tout... Oui, oui, mais ça veut rien dire. Mais moi j'adore, là, son spectacle, là, j'ai adoré. Là, il va le refaire, là, parce qu'il a fait juste une représentation. Ah oui, il a fait qu'une représentation, oui. J'y suis allé, c'était en semaine en plus, tu vois. Oui. Est-ce que tu vois souvent Cénobar, veux-tu aller chanter? Tu as déjà chanté là? Oui, oui, j'ai chanté plusieurs fois, ouais. Okay. Alors, j'ai chanté avec Hervé, tout seul. Avec Pauline Paris, non? Avec mon guitariste, oui. Non, avec Pauline Paris. Avec Pauline, mais pas la... Oui, Pauline, c'est... Avez-vous joué ensemble? Non, jamais. Okay. Non. On a eu fait des coplateaux à Magny-le-Montant, mais on n'a jamais joué ensemble. Là-bas, j'ai joué qu'est-ce qu'on a fait? Avec Mourad. Ah oui. Mourad Musset. Ah oui, ah oui. Et on a bien rigolé. D'ailleurs, on a fait un concept, c'est Mourad, on devait faire un coplateau au départ. Parce que moi, tu vois, je joue pas les chansons, mais on se connaît quand même depuis quelques temps, tu vois. Et puis il me dit, oh putain, c'est chiant les coplateaux. Viens, on met 10 chansons chacun dans un chapeau et on les fait tirer aux gens. Ah, c'est bien ça. Et donc tu construis le spectacle autour du tirage au sort. Ah, oui. Et c'est pas facile, hein, parce que tu te retrouves à chanter la dernière chanson de ton set au début du spectacle, tu vois. Et en fait, ça déstabilise, ça fait du bien. Et en fait, on s'est marré, s'est fendu la gueule, parce que là, ça devient une espèce de show, tu vois. Oui, improbable. Improbable, et puis et là, tu te mets en danger vraiment, parce que, putain. Mais du coup, tu te scénarises au fur et à mesure les tirages au sort, parce que d'un coup, t'en as 3 qui sont tirés du même chanteur. Et tu dis, je me casse, en fait, je suis venu pour rien. Et en fait, c'était absolument génial. Avec Mourad, on s'est dit qu'il fallait qu'on le refasse, des trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on se renouvelle. Hein. Si j'ai bien compris, faudrait fermer sa gueule. Si j'ai bien compris, faudrait marcher en pas, se serrer la ceinture. Que vivent les rois, mais tu vois bien mon cas, que ça fait pas. J'ai bien compris, faut pas traîner au lit. Si j'ai bien compris, faudrait bosser la nuit, faire l'amour en vitesse pour que vivent des princesses. Mais tu vois bien mon gars, ça fait pas. Tu veux manquer dans ton cul, tu veux mon poing dans ta gueule. Tu veux des baffes et des calottes et des tournioles. Tu veux que je te fasse la misère, je t'accrase entre les terres. Un coup de surin, un coup de matraque, un coup de gourdin. Si j'ai bien compris, faudrait courber les chines. Si j'ai bien compris, mais au fond des mines et vivre en discipline pour tuer Bakounine. Mais tu vois bien mon gars que ça fait pas. Tu veux mon pied dans ton cul, tu veux mon poing dans ta gueule. Tu veux des baffes et des calottes et des torgnoles. Tu veux que je te fasse la misère, je t'écrase en colère terre. Un coup de sur un coup de matraque, un coup de gourdin. Ben nous, on ne peut. Oh. j'ai bien compris. Faudrait qu'on dise amen. Si j'ai bien compris, tu me presses en citron. Tu nous prends pour des cons et tu t'amuses en rigolant. Mais tu vois bien, mon gars, que ça fait pas. Tu veux mon pied dans ton cul, tu veux mon poing dans ta gueule. Tu veux des baffes et des calopiers de torgnole. Tu veux que je te fasse la misère, je t'écrase en colère terre. Un coup de furin, un coup de matraque, un coup de gourdin. Et là, tu travailles sur ton album, sur ton disque? Ouais. J'essaye un peu. Là, c'est rendu embryonnaire ou un peu plus... il est formé, là? Il est rendu à combien de mois sur 9? du travail qu'on a... Ben, ensemble, on n'a pas fait grand-chose. OK, donc il est rendu embryonnaire. Mais après, on ne va pas faire beaucoup plus que l'essence du truc, quoi. Alors, ça risque de sortir rapidement? Ça pourrait, après, d'un coup, aller très vite, quoi. Mais ce sera... Une fois que l'esprit de la chanson il y est. Mais est-ce que c'est l'esprit d'une chanson que tu veux travailler ou l'esprit d'un album? Tu sais, l'univers, comment tu veux que ça sonne? Ben là, l'esprit de l'album, il y sera forcément par les instruments, si tu veux, toi. Ouais. Contrebasse, guitare. Le jeu de. Ben, François, si on va jusqu'au bout avec François Jeannin, il a un jeu, tu vois, qui est une invitation à. Ça donne une ambiance, quoi. Une aération musicale. Ouais. Mais après, je m'interdis pas de faire un truc complètement différent au milieu de l'album. Mais c'est pour comme quand j'ai fait sur l'autre, tu vois, que oui, j'ai oui, fait oui, une oui. Impro. Ouais, mais c'était rapide, ça, là. Ah oui, c'était rapide. Mais ça, je me l'interdis jamais, quoi. Mais est-ce que ça peut être en 2024 ou en 2023? Là, comme c'est parti, à mon avis, je dirais plutôt 2024. Début 2024. Ouais. Que, février 2024, à peu près. Après, voilà, faut que tout le monde soit dispo pour faire ça. Ouais, c'est ça. Après, ça peut aller vite, on ne sait pas. Mais c'est toi qui décides ou c'est le groupe? Là, c'est un peu tout le monde, quoi. Oui. Parce qu'il y a des dispos, chacun fait plein de choses. Ouais. Il y en a qui ont d'autres groupes, qui font cavalier seul. Ouais, et puis Hervé, il bosse pas mal pour le théâtre aussi. Pas des gens qui sont occupés. Oui, puis c'est pas comme si moi j'arrivais avec la partition de chacun, dis attends, tu fais ci, toi ah, tu ouais, fais ouais, ça. Non, non, ouais. Tu vois, là ça irait très vite une fois que tu as écrit, après tu fais des retouches. Alors que là, c'est une invitation à créer ensemble en fait, ouais. Autour d'une chanson. Mais c'est quand même spécial. Parce qu'ils sont tous bien meilleurs points en musique que ceux qui m'entourent. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais ils contribuent à ton étiquette, à ton nom. Parce que quand tu mets ton nom, tu penses que c'est juste toi, mais c'est pas toi, c'est l'équipe. Je travaille pour Stag. Moi, souvent, quand je mets les concerts, je marque Stag et je mets qui est avec moi. OK, non, mais quand on voit sur ta pochette, c'est ton nom, c'est Stag. C'est Stag, ouais. Mais il y a l'équipe qui travaille autour de Stag. Ouais, c'est une question que je me pose tout le temps, de changer de nom à chaque fois. Ouais, comme si Stag et c'est ferrailleur, Stag et c'est pompiste. Parce que je le fais sur les affiches. Comme Darin et les chaises, et ses chaises. Sauf que, après, le truc, c'est qu'après, tu vois, l'album d'avant, par exemple, ceux qu'il y a sur l'album, c'est pas ceux qui jouent avec moi, tu vois. Ouais, c'est ceux qui font, hein. C'est ceux qui étaient en studio, ouais. Tu vois. T'as pris les gens qui étaient là? Ben, des gens, des connaissances, mais... et d'autres que je connaissais pas là, parce que c'était au date du studio. Quoi. Mais là, oui, quand je mets, par exemple, avec Johan, je mets Stack Trio. Ah oui, ok. On sait que c'est avec Hervé et Johan. Ok. Ou des fois, je mets des noms de des gens avec qui je suis. Mais là, le prochain disque, ce sera uniquement avec ton nom ou tu veux... Je sais pas, j'ai pas encore... peut-être trouver un nom. Ok. Ah, ça peut être ok, ça peut être autre chose, ça peut être autrement que ton nom. Ouais, pourquoi... Ouais, Après, c'est toujours difficile, toi, pour ceux qui suivent. Oui, c'est ça. Mais après... Voir les mobilettes au lieu de Stag, parce que, à un moment donné, hein, on a vu un canon, mais écoute, on va rapidement. On est... Ouais, ben, après, il faut voir le côté inverse. Ceux qui n'aiment pas, ils peuvent se faire piéger, venir. Oui, c'est ça. Achète les mobilettes. Oh non, j'ai du Stag, merde. C'est encore eux. C'est ça, je me suis fait baiser. Trop tard. Vois. Ah, la gauche est puissante. C'est vrai. Ouais. On est encerclé par les gauchistes. On peut revenir les mêmes sous plusieurs noms. C'est ça, pour en fait, mais il y a Anthony Artaud qui dit, hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas cité, il dit, j'exploserai sur 10 000 facettes où je redeviendrai, en tout cas, j'exploserai sur 10 000 facettes où vous pourrez me revoir, je vais paraphraser d'une manière bizarre, mais en tout cas, ça veut dire que il peut faire plein de choses, mais en même temps, ça reste lui. Oui. Et ça peut être aussi comme toi qui a ton nom propre, mais qui peut aussi changer, travestir ça pour... Oui, presque, pourquoi pas. Oui. Oui. Ça peut être... Alors, qu'est-ce que je peux souhaiter pour les mois à venir, pour les années à venir? Oh, ben, qu'on se marre bien. Hein, Qu'on en profite encore tous. Ouais. Et que les autres s'éteignent de temps en temps. Qu'ils se mettent en pause. Oui, ok, ça c'est les gens de droite qu'on parle. Oh, même plus maintenant. Alors, on a plus ce sujet en ce moment à l'extrême droite qu'à la droite en France. Hein. Ouais. Mais bon, la droite va vite récupérer ça et en faire son. Comme en Hongrie, tu vois. Et je pense que ça va être une Le Pen, parce que l'autre ne peut plus se représenter. Et quand c'est le péniste, c'est très sérieux. Là. C'est un cas sérieux, ça. Qui va arriver? Qui aurait cru? Le père Lustucru? Ouais, même le père Lustucru, je pense. Non, que... Lustucru, non. Ouais. Il n'aurait pas pu penser ça. Non. La vie sera peut-être foutue. Ouais, quand tu vois... Faut pas penser à ça, hein? Non. Peut-être qu'il y a un ministre qui va sortir de nulle part et qui va peut-être vouloir... Ça se trouve. Peut-être toi. Non. Ah non. Non? Non, t'es non. Pas assez corrompu? Et puis c'est trop petit chez eux là-bas. C'est ça. Nous on a le monde, on veut pas s'enfermer On va pas s'enfermer dans un palais. C'est vrai. Alors je vais prendre quelques photos. Ah ben allez. Puis c'est... merci d'avoir passé. Hein. Tu rigoles. Merci à toi. Ben, écoute, et merci pour ton émission. Hein. Écoute, ça fait plaisir. Écoute, je connaissais pas avant de t'avoir rencontré la première fois. Ok, je sais plusieurs. Hein. Ah, mais j'adore. Ah, mais il y a. D'existentiel, nouvelle existentialiste, surréaliste. Ah oui, surréaliste, anarchiste, anarchiste pamphlétaire. Oui, mais. Ah, je suis fan. Il n'y a pas en France d'émission comme ça. Il y en avait. De ce niveau-là, il y en avait. Mais je sais pas si tu connais. Comment il s'appelle donc? Écoute, c'est un français. Didier Odieux. Ah, pas Didier Odieux, c'est. Merde, comment il s'appelle donc? Il a fait quelque chose pour mon 800e. Il dit merde, parce que c'était pendant le confinement. Puis bon, il y a même, Jacques Loret qui a fait quelque chose, deux chansons, dont un inédit pour mon émission. Et il dit, bien l'autre, là, son nom ne revient pas, mais en tout cas, peu importe. Il arrive et il dit, ah ben Rénal, il dit 800 émissions, puis on ne te connaît pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête! Mais lui non plus, il n'est pas connu, donc j'aurais aimé te le nommer parce que. Afin de savoir si. Mais il y en a beaucoup, hein, comme. Léo Ampas, c'est quand même assez connu. Hein. Ah oui. Il a travaillé avec. Est-ce que tu connais les Raoul Petit? Ouais. Il a fait une chanson c'est avec. Bien, les... Ouais, il a fait une chanson avec les Raoul Petit. Possible. Alors. Didier Super. Ah, ben Didier Super, oui. Ah, ben voilà, mais c'est. Ah, lui. Mais lui, on a. Je le connais. Ok, je l'ai rencontré, puis dit, putain, hey, ça, tu fais 800 émissions, puis on te connaît pas. Ben arrête! Là, j'ai dit, ben oui, mais toi, écoute, tu fais des albums depuis Belle Lurette et puis on ne te connaît pas non plus. Donc, Didier Super, il est vraiment super. Nous, on avait joué la première partie dans un festival avant le confinement, là. Okay. Vous rappelez ça, hein? Un village après le confinement. Il peuplait les gens qui sont... C'est un spectacle pour enfants, là. OK. C'est terrible. Oui, hein? Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Il était terrible. Mais un lui... Fou. Un fou, j'avais jamais vu c'est ça. C'est ça. Non, mais lui... Sur le plateau, il y a un rythme sur le plateau, c'est un truc... Toutes les 1 minute 30, il se... Pendant une heure et demie, comme ça, il transpirait. Mais c'est des petites chansons, en plus, hein? Oui, puis il parle, et dans le dernier, il joue, mais pas que, tu vois, il raconte des conneries, il montre des images avec des enfants... Des squelettes de cadavres de gosses pour Noël des petits occidentaux. Oui, c'est épouvantable, c'est épouvantable. C'est son spectacle qui est horrible. Là, les enfants, parce que c'est un autre spectacle. Les enfants, ils pleurent. Il a une tronçonneuse sur scène. Il démarre une tronçonneuse avec une tête de clown comme ça. La chaîne, elle tourne pas, mais c'est une vraie tronçonneuse. Oui, c'est ça. Il dit à un moment donné dans une chanson, nos vieux, on les aime pas, mais faut pas les brûler. C'est exactement ça. C'est exagéré. Oui, on va prendre des photos. Allez. Bonjour, messieurs. Ah, bonjour! Comment ça va, toi? Isabelle. Comment ça va, toi? Très bien. Excellent. Je vous laisse terminer. Oh, ben on va prendre des photos. Et voilà. Isabelle Gagnon-Camion, auteur, compositrice, interprète. Enchanté. Voilà. Enchanté. Et Style, auteur, compositeur, interprète. Voilà. J'ai déjà été manger chez elle, hein. Ça a déliré, ça a déliré. Je m'en souviens plus encore. OK. OK, Damien, merci. OK, pour la route. C'est quoi ça? Ah, c'est merveilleux. On est beau, on est... On est frais, on est beau, voilà. OK. J'espère que je ne te rappelle pas ton ancien chum, ton ancien amoureux. J'osais pas te le dire, mais j'ai vu que c'était déjà... Voilà, c'est ça. Ça a déjà été fait, hein. Hey, merci, c'est sympathique. C'est moi tu rigoles, paye. Merci à toi. OK, c'est moi qui paye, ça fait plaisir. On fait du vieux avec du neuf, conservateur, réactionnaire. Faut plus d'homo, plus de lesbiennes, des petites familles, toutes bien comme il faut, les temps modernes. Sont à l'envers, vieux frère. Ben dans un coin de ma tête, y'a des mondes super chouettes. Y'a des lendemains qui chantent, des gars à poil qui font la fête. Y'a Lulu qui nous montre son cul à Roger, le vieux coco. Des bistrots où l'on fait de la musique, des marmots qui poussent en liberté. Y'a des flics alcooliques, sympathiques et sans éthique, des gendarmes qui rendent les armes. Y'a des putains, y'a des catins, y'a des paumés, y'a des drogués dans le caniveau, y'a du crotteur, y'a des pavés. On fait du vieux avec du neuf, des petits capots tout bien sapés. Faut plus de couleurs, plus d'immigrés, des petits fachos décérébrés. Les temps modernes sont à l'envers, vieux frère. Ben dans un coin de ma tête, y'a des mondes super chouettes. Y'a des lendemains qui chantent, des gars à poil qui font la fête. Y'a Lulu qui nous remontre son cul à Roger, le vieux coco. Des bistrots où l'on fait de la musique, des marmots qui poussent en liberté. Y'a des flics alcooliques, sympathiques et sans éthique, des gendarmes qui rendent les armes. Y'a des putains, y'a des catins, y'a des paumés, y'a des drogués dans le caniveau, y'a du crottin, y'a des pavés. Et y'a du bruit toute la nuit, et y'a du bruit toute la journée. Et y'a du bruit, y'a du bruit, y'a du bruit, rien que le bruit, car le bruit, c'est la vie. On fait du vieux avec du neuf, des bien-pensants, tout bien gluants. Faut plus de clodos, plus de gros mots. Des petites familles de Bellicine, les temps modernes sont à l'envers, vieux frère. Ben dans un coin de ma tête, y'a des mondes super chouettes. Y'a des lendemains qui chantent, des gars à poil qui font la fête. Y'a Lulu qui nous remontre son cul à Roger, le vieux coco. Des bistrots où l'on fait de la musique, des marmots qui poussent en liberté. Il y a des flics alcooliques, sympathiques et sans éthique, des gendarmes qui rendent les armes. y a des putains, y a des catins, y a des paumés, y a des drogués dans le caniveau, y a du crottin, y a des pavés. Y a pas de riches, y a pas de pauvres, y a pas de trailer, y a pas de rancœur. Y a que des copains qui se font de la poire, y a pas une once de désespoir, y a que du bonheur au fond des cœurs, y a que des humains tout en couleur. Y a du bruit toute la nuit, y a du bruit toute la journée. Y a du bruit, y a du bruit, y a du bruit, et quel bruit, car le bruit, c'est la vie. Hey, la, la, la, la. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.